Quoi que tu fasses, y en a toujours qui seront pas contents. M'en veux pas si j'ai pas ton temps. Je suis avec mes semblables, on fait pas semblant. En bas de l'échelle sociale, on grimpe, on fait nos pailles. On parle cru, on monte les toits. On admire la vue qu'un jour on s'offrira. Combien seront prêts à faire les sacrifices qu'il faut? Même pas la moitié, je parle avec mon avenir et je me balade à pied. Je réfléchis, combien de potes, combien d'ennemis, combien de ces suceurs veulent juste gratter la belle vie. J'ouvre plus la porte de chez moi, musclé à cause de la lourdeur de mes péchés. Je sors de la salle, facile de porter ses poids. Si j'ai tort, c'est pas grave, je me sens hors de la norme. Je veux pas juste de la maille, non, je veux tout ton amour, loin d'être le boss de Paname. Mais quand je rappe, je réveille Biggie comme Tupac Shakur. C'est de la frappe, j'ai offert mon corps à défier cervelé. Non plus jamais, c'est comme voir mon père pleurer, non plus jamais. Ancré dans la réalité, dites-moi où règne les rêves. La gloire, je vais lui faire passer un très mauvais quart d'heure. Ancré dans la réalité, dites-moi où règne les rêves. Y'a toute une partie de la jeunesse dans les manifs. C'est à nous de faire la diff. Indigné, je veux du respect et de l'or massif, non. Plus de force pour les traîtres qui disent que t'es le soleil, que lorsqu'il pleut, je serai jamais ton gourou, je serai jamais ton petit peu. Je m'envolerai avant que mes projets battent de l'aile. Toujours les mêmes frérots, nos relations partent d'elles-mêmes. En pleine nuit à deux sur mon scooter, on monte au Sacré-Cœur, on s'en lasse. Puis demain dans les îles, on s'en va, aucune barrière mentale. Chaque jour j'apprends à être meilleur. Y'a que devant l'homme qui est dans ma glace que je dois faire mes preuves. Hey. Pas de service civique pour mes génies du mal. Si on connaît la justice et qu'on connaît le tribunal, comment rattraper nos erreurs? 16-25, on faisait que du sale. Les haineux jetés du stroll, génération dans les halls, pas dans les balles. On se trompe de modèle, fasciné par ceux qui vivent en autarcie. Mais je m'endors dans la plus belle suite de l'hôtel. Ancré dans la réalité, dites-moi où règne les rêves. La gloire, je vais lui faire passer un très mauvais quart d'heure. Ancré dans la réalité, dites-moi où règne les rêves.